l'argent, c'est comme un rêve, y'a zéro souci. Viens faire un tour dans le 13, on va t'apprendre à parler nouchi. Cricata dans la zone, c'est pas la danse, mais sont des outils. 2023, c'est l'heure de dire au revoir à tous mes soucis. C'est la jolie, voilà qui sur nous maintenant. Abaisse ton cœur quand je dépense mon argent, pas le même moteur. On a pris trop d'avance et ah na na na na na na et na na na. Y'a ceux qui cherchent de l'argent, y'a ceux qui l'ont trouvé. Elle mange que des dollars, voilà. Moi que du whisky, Coca-Cola. Elle danse sur du talakala. Mingi salo qui toki tati. Ah, depuis que j'ai l'argent, c'est comme un rêve, y'a zéro souci. Viens faire un tour dans le 13, on va t'apprendre à parler sushi. Cricata dans la zone, c'est pas la danse, mais sont des outils. 2023, c'est l'heure de dire au revoir à tous mes soucis. Quelle est vite en bon, vite en fila, vite en bon, vite en ça va, vite en bon, vite en nani dans la boue, dans la boue. Quelle est vite en bon, vite en fila, vite en bon, vite en ça va, vite en bon, vite en nani. Tu sais si je fais, c'est parce qu'on m'a dit tu peux pas faire. Ah tu sais si je plais, c'est parce qu'on m'a dit tu peux pas plaire. Ah tu sais si je fais, c'est parce qu'on m'a dit tu peux pas faire. Ah tu sais si je plais, c'est parce qu'on m'a dit tu peux pas plaire. Yeah yeah yeah. Dans la boue, dans la boue, dans la boue, dans la boue. Général Joe. Tu n'es pas chinois, tu veux